sera jamais plus pareil. Ce qu'il y avait autrefois reste à jamais perdu. Enfouis en moi toute cette histoire. Non, mon cœur ne bat plus pour toi. Tu as fait le choix. Baby, I've been looking for